Un soir de pluie, elle s'en est allée cueillir d'autres cœurs, nourrir d'autres pleurs. Mon cœur est parti, oui, il m'a quitté, et son lame et peur est fanée ma fleur. Être nu sans amour, non, c'est trop dur. Être plus fou chaque jour, oui, c'est si dur. Que je meure pour qu'elle revienne encore. Que je saigne comme un chercheur sans or. Le père.